Cédric Anicet, l'un des personnages les plus influents parmi les infopreneurs français. À la base, un petit gars qui vient de Cergy-Pontoise en Île-de-France et qui est parti vivre avec sa famille à l'île Maurice. Cédric Anicet, c'est soit tu l'aimes et tu l'adules, soit tu le détestes et tu le cognes. Aujourd'hui, il montre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, sa réussite à travers ses belles voitures. Mais avant tout, il a basé son business autour du principe de quitter la rat race. Mais en gros, c'est quoi quitter la rat race? C'est le métro, donc tu te sers le matin dans un métro bondé, ensuite tu vas travailler avec plein de choses sur la tête, et puis le soir, tu essayes de t'endormir. Mais t'as tellement de soucis dans la tête qu'en fait, t'arrives même pas à dormir. Et dès le lendemain matin, il faut recommencer le métro. Donc en fait, ça repose autour de trois principes qui sont 1. Courir après l'argent. 2. Échanger son temps contre de l'argent. Et 3. Profiter de la vie après 40 ans de travail. Il fait un énorme séminaire une fois par an qui s'appelle QLRR Live, où il y a de plus en plus de monde. C'est un séminaire qui repose autour des quatre piliers d'enrichissement que sont l'immobilier, les marchés financiers, les business en dur et Internet. C'est énorme ce que cela provoque sur les réseaux sociaux comme inspiration. Il y a des personnes complètement fans et en admiration par rapport à Cédric Anicet. Et de l'autre côté, Monsieur Cédric provoque aussi la critique avec des personnes furieuses et qui le prennent pour un escroc. Alors, faut-il aller à QLRR Live de Cédric Anicet pour devenir riche? Il y a les pour. Autour de développer un gros partage d'expérience avec des personnes de tout niveau. C'est une expérience humaine de fou avec 1500, 2000, 3000 personnes réunies et le fait d'être entouré de personnes comme soi et de développer du coup un énorme mindset. De l'autre côté, il y a les contres qui prennent Cédric Anicet ben, comme un marabout. Avec en face de lui 3000 personnes complètement abruties, hein, qui disent que Monsieur Cédric Anicet est un arnaqueur, un vendeur de rêves et qu'il s'enrichit sur le dos de pauvres malheureux. Pour ma part, je pense que c'est très réducteur et c'est une vision vraiment très étroite sur les choses que de penser ça. Car en effet, le plus important, c'est de mettre à profit ce genre de séminaire pour apprendre auprès d'intervenants de qualité, faire des rencontres pour nouer de nouveaux partenariats pour ce business, pour ses investissements immobiliers et profiter de ça pour networker avec le maximum de personnes. Et c'est marrant parce qu'on peut retrouver une similitude avec les États-Unis. Aux États-Unis, il est courant de montrer sa réussite, d'être fier de ce qu'on a accompli, de montrer ses signes extérieurs de richesse comme ses belles voitures. Et en gros, ne pas avoir peur de dire combien on gagne. Tandis qu'en France, tout cela est assez tabou. Il est très difficile de parler d'argent, c'est presque un sujet qu'on va dire top secret. Je caricature, mais c'est presque cela. Monsieur Cédric, comme aime se faire rappeler Cédric Anicet, a réussi, oui, mais en arnaquant les gens comme bon nombre de mauvais sceptiques le disent. Je pense qu'il est intéressant de voir le nombre de personnes qui sont passées par ces formations et qui ont réussi à vivre la vie de leurs rêves. J'ai découvert Cédric Anicet lors de son séminaire en 2017 et je le remercie pour l'énergie qu'il transmet. Ensuite, il n'y a pas de baguette magique pour réussir ses projets et gagner du gros argent. Il faut se sortir les doigts et passer à l'action. Alors oui, il n'est pas obligé de passer par QLRR Live de Cédric Anissette pour devenir riche, mais c'est une étape formidable et inspirante pour faire des connexions et intégrer un réseau inspirant. J'ai donc qu'un truc à dire. Merci, monsieur Cédric. Et toi, tu en penses quoi de Cédric Anissette et de son séminaire QLRR Live? Laisse-moi un commentaire pour me donner ton avis. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un gros like. Partage-la à tes amis, je t'en remercie. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Pour te remercier d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre en cadeau 1 heure de formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie dans la foulée. Je te dis porte-toi bien, à très bientôt. Bye bye!